Exercice 3, page 84. A. Bou, beau, bol. B. Sous, saut, sort. C. Doux, dos, dor. D. Mou, mot, molle. E. Nous, nos, nord. F. Vous, vos, votre.